Histoire, Xavier Mauduit. Regards européens sur le corps nu du bon sauvage à l'indigène. En 1690, dans son dictionnaire universel, Antoine Furtière donne une définition du mot sauvage. Ce sont des hommes errants qui sont sans habitation réglée, sans religion, sans loi et sans police. Presque toute l'Amérique s'est trouvée peuplée de sauvages, nous dit Furtière. La plupart des sauvages sont anthropophages. Les sauvages vont nus et sont velus, couverts de poils. Corps nu, peint ou tatoué, comment le mythe du bon sauvage est-il aussi une histoire du corps? Comment le regard colonial a-t-il mis en scène la nudité de l'indigène, ce corps à coloniser? Et d'ailleurs, qu'est-ce que la nudité? Jérôme Thomas, bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue? Ça tombe bien. Qu'est-ce que la nudité? C'est compliqué à définir. La nudité, c'est d'abord, je pense, le regard que l'on porte sur l'autre et la manière dont on définit ce que l'on peut voir, condamner, ce qui a trait à ce que l'on peut considérer comme du non-civilisé, du sauvage, le rapport à la sexualité, bien entendu, et donc ce que l'on montre ou ce que l'on ne montre pas. Et finalement, la nudité, c'est d'abord culturel, bien entendu. Aujourd'hui, quand nous allons à la plage, nous voyons des hommes, des femmes en maillot de bain. Nous n'allons pas dire, ils sont nus. On va pas dire, ils sont tout nus avec leur maillot de bain. On va dire, ils sont en maillot de bain. La nudité, c'est la définition contemporaine où l'on voit le sexe, en fait. C'est ça, la nudité aujourd'hui. Jérôme Thomas, ça n'a pas toujours été ça. Non, ça n'a pas toujours été ça. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, si nos arrière-grand-mères venaient faire un tour sur nos plages, il est évident qu'elle serait vraiment choquée de voir ses corps totalement dévêtus. Et donc, effectivement, c'est selon les époques, selon les cultures, voilà ce qui définit le regard que l'on porte sur l'autre. Et donc, sur cette rencontre, si on en vient à ce sujet, qui a été un événement particulièrement brutal et qui a beaucoup interrogé les uns et les autres, justement sur le rapport au corps et sur les représentations. La rencontre, c'est celle, si l'on en prend une, avec une date précise, 1492, quand Christophe Colomb arrive en Amérique. Là, il y a une vraie rencontre, parce que c'est des gens qu'on ne connaissait pas. Juste dans cette définition de la nudité, c'est difficile de savoir comment ces gens-là considéraient la nudité. Mais la nudité peut s'annuler par un simple tatouage, par une simple peinture. Effectivement, dans nos regards européens, si on se replace évidemment au XVIe siècle, c'est d'abord, on va dire, ce qu'on pourrait appeler les textiles, les personnes qui portent des vêtements, qui cachent, alors bien sûr, leur partie génitale, bien entendu, mais qui couvrent leur corps. Et évidemment, le fait d'être considéré comme nu n'a aucune valeur intrinsèquement dans la mesure où, comme vous le disiez, un simple lacet, un simple bracelet, une peinture, un tatouage est considéré comme un vêtement. Et il faut plutôt voir ça comme, plutôt que de parler de vêtements, de parure corporelle, qui signifie, évidemment, qu'ils sont là pour protéger, évidemment, mais globalement, c'est pas leur signification première. C'est pas leur signification parce que pour ceux qui arrivent, les Européens, ce qu'ils voient en premier, ce sont des corps dénudés. Pour poursuivre cette réflexion, vous êtes avec nous, Sandrine Lemaire. Bonjour. Bonjour. Alors, ces corps dénudés, évidemment, interpellent ceux qui arrivent d'Europe où les corps sont vêtus, mais ils ne le sont pas toujours. On a beaucoup de représentations là-dessus dans les champs. Il y a les paysans qui sont torse nus, qui travaillent. Quel est ce rapport particulier qui se crée entre les Européens et les sauvages à propos de la nudité? Alors, je vais rebondir sur la définition en fait de la nudité. En réalité, c'est un état originel. On est tous nus, au sens de naître. Et c'est intéressant de voir dans l'histoire que, au fur et à mesure, et je pense que ça a été dit dans votre émission d'hier, et j'avoue ne pas l'avoir écouté, que... Franceculture.fr, l'appli Radio France, les podcasts. Dans l'Antiquité, la nudité était beaucoup... enfin beaucoup plus fréquente que évidemment aujourd'hui, et que dans le cours de l'histoire, ce qu'on s'aperçoit vraiment, c'est que au fur et à mesure de la naissance des religions en particulier, on a tendance à couvrir le corps et à considérer le corps nu comme quelque chose de repoussant. Et précisément lorsque les colonisateurs, donc essentiellement européens mais pas seulement, arrivent dans les territoires colonisés, effectivement, ils découvrent la nudité, entre guillemets, ils redécouvrent une nudité du sauvage, mais surtout, ils la mettent en scène, c'est-à-dire qu'ils la représentent. Et dans l'ouvrage qu'on a publié dernièrement, Colonisation et propagande au Cherche Midi, on s'aperçoit bien que c'est une construction qui part, alors nous, on part sur la période contemporaine, hein, donc la fin du 19e, et on peut faire remonter cela, évidemment, à l'époque moderne, notamment, jusqu'aux décolonisations, on a une échelle quasiment inversement proportionnelle, c'est-à-dire que la nudité, comme vous le rappeliez en introduction, est associée, et comme l'a dit Monsieur Thomas, à la barbarie, à la sauvagerie et à l'anthropophagie. Et donc, c'est ce qui permet de justifier la colonisation, d'avoir ce discours civilisateur. Le civilisateur, lui, arrive vêtu, et le colonisé, on va le faire progresser, c'est l'idée de mission civilisatrice, vers la civilisation. Et peu à peu, donc, dans les images, on voit que on le revêt de vêtements comme un vrai, excusez-moi le terme, hein, civilisé, c'est le sens de la propagande de l'époque. C'est cette histoire qui est passionnante, hein. L'évolution d'un regard entre, on va dire, le moment où les premiers arrivent. Allez, si on prend cette date de 1492 avec Christophe Colomb en Amérique, et puis, bien, cet homme sauvage, cette femme sauvage, qui peu à peu cesse de fasciner et inquiète. Vous avez évoqué, Sandrine Lemaire, l'importance de la religion dans cette histoire, et puis le fait que nous naissions nus. Il y a quelque chose qui nous rappelle les origines de l'homme. Octobre 1492. Je crois que nous avons retrouvé le jardin d'Éden. Assurément, c'est ainsi qu'était le monde au commencement des temps. Si les indigènes doivent être convertis à nos usages, alors ce sera par la persuasion et non par la force. Je crois que plus jamais personne ne reverra cette terre comme nous, pour la première fois. Nous venons en hommes de paix et d'honneur. Ces êtres ne sont pas des sauvages et nous ne le serons pas non plus. Traitez-les comme vos propres femmes et vos propres enfants. Respectez leurs croyances. Le pillage sera puni par le fouet, le viol par l'épée. En 1492, le film de Ridley Scott en 1992, avec Gérard Depardieu dans le rôle de Christophe Colomb, qui évoque ce jardin d'Éden. Jérôme Thomas, il y a de ça dans cette arrivée. Hein. Ces gens-là se sont dit, ça y est, c'est le paradis, on vit nu. Oui, c'est l'idée de l'âge d'or, de l'Éden sur Terre, déjà avec la nature qu'il découvre. Le fait, tout simplement, qu'au mois d'octobre, ce qu'il voit, cette nature luxuriante qui est verte, alors que en Europe, sous la même latitude, l'hiver approche. Et donc cette abondance qu'ils vont découvrir tout au long de leur périple. Et puis ces habitants, ces Indiens, ces Amérindiens qui le découvrent dès le premier jour. Et là, oui, c'est l'innocence. Alors, de par tout d'abord leur aspect corporel, hein, leur soi-disant nudité qu'ils découvrent, dans les descriptions de Colomb, le fait qu'ils voient des personnes qui ressemblent un peu aux statues grecques, à l'antiquité classique, des personnes bien faites. Ils voient surtout les hommes au début, donc très bien proportionnés, une belle musculature, donc de très belles personnes. Et très rapidement aussi, par rapport à leur trait psychologique, c'est l'innocence, espèce de bienveillance vis-à-vis de ces Amérindiens. Et donc, avec l'idée en sous-jacente qu'ils sont face à des personnes qui n'ont pas de religion, qui seront faciles à convertir, ce sont des enfants qui vivent dans le paradis terrestre. Voilà, sur la nudité, il n'y a pas de jugement dans ce qu'on vient d'entendre de Christophe Colomb, mais ce corps nu permet de tout construire, de tout imaginer, Sandrine Lemaire. Oui, effectivement, c'est assez intéressant le petit extrait que vous avez noté, parce que c'est finalement assez loin des pratiques, tout d'abord, et puis également de l'histoire des représentations. Ce qui est intéressant quand on étudie les représentations de la nudité, c'est qu'on aborde facilement un double registre, à savoir la répulsion, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, liée à la malédiction de Cam, notamment à la religion, dans la religion catholique, il faut couvrir les corps dévêtus, sinon c'est quelque chose de mauvais. On sait bien que le registre dichotomique dans les images est facile. Donc c'est à la fois cette répulsion, mais c'est aussi une fascination pour le corps nu. Et là, on est plus dans la fascination lorsque, effectivement, on a des descriptions ou les premiers dessins, les premières gravures concernant la fameuse, entre guillemets, découverte de l'Amérique. Et c'est ce que l'on retrouve finalement dans toutes les images, ce registre de fascination-répulsion. Répulsion tout le temps, parce que c'est ce qui permet de reléguer et aussi de dominer le colonisé à travers la monstration récurrente de ses corps nus. Plus il est nu, plus il est sauvage, et plus, comme on l'a entendu dans votre extrait initialement, il est velu, plus il est plus proche du singe, de la bestialité, donc de la monstruosité. Les terres inconnues, c'était les monstres qu'on décrivait au Moyen-Âge, par exemple. Et plus il est vêtu et plus il ressemble aux civilisés. Et d'un autre côté, c'est aussi ce qui permet, dans des sociétés qui, de plus en plus, s'embourgeoisent, ont de plus en plus de critères vis-à-vis de la nudité qui enferment les corps. Comme le disait Monsieur Thomas, les grands-mères, si elles voyaient aujourd'hui, elles seraient presque, non pas seulement étonnées, mais un peu révulsées ou choquées surtout. Ou peut-être un maillot de bain. L'idée que finalement le corps exotique, on s'en sert, on peut le montrer nu alors qu'on ne peut pas montrer le corps européen, entre guillemets, pour schématiser, nu. Et donc c'est assez intéressant, si ce n'est pour la prostitution. Et donc c'est assez intéressant de voir que le champ colonial permet, à travers la monstration de la nudité, de montrer aussi un rapport de domination assez simple. Puis il y a cette deux lectures du corps nu, elle est incroyable, c'est d'un coup l'innocence, de l'autre côté, la bestialité. C'est très rapide. Effectivement, il y a cette admiration, cette fascination pour ces corps nus dans l'idée. Alors, je vous rejoins concernant la religion, l'évangélisation. C'est pour reprendre ce qui se disait au Moyen-Âge chez les clercs, c'est comme pour les enfants, c'est une cire à modeler. C'est-à-dire qu'on doit éduquer, qu'on doit évangéliser, qu'on doit socialiser, sociabiliser. Et donc, la représentation du corps nu, c'est l'innocence première, c'est l'enfant. D'ailleurs, Colomb et beaucoup d'autres après lui auront cette phrase, ils sont nus comme s'ils sortaient du ventre de leur mère. Et ça, c'est une expression qui revient quasiment tout au long du 16e chez de nombreux chroniqueurs et explorateurs. Voilà, c'est la cire vierge à modeler. Et un des problèmes qui se pose, c'est fascination des corps, etc. Mais c'est comment les représenter. Compliqué. C'est ça le problème. C'est en fin de compte, on va vers des populations que l'on ne connaît pas, qui vivent aux marges. Et donc, dans les premières représentations iconographiques, dans la première représentation iconographique qui date de l'année 1493, le graveur, donc, qui a lu probablement ou la lettre de Colomb qui annonce la découverte, se dit mais ce sont des sauvages qui vivent aux marges de l'humanité. Est-ce que je dois les représenter tels qu'ils sont décrits? Et il reprend donc ces schémas mentaux. Ce sont les hommes sauvages, c'est la sauvagerie, donc les hommes velus. Et donc il va faire un mélange entre ce que a écrit Colomb, la nudité, mais ils vont porter des attributs des hommes sauvages, c'est-à-dire une massue, une barbe, des cheveux longs. Donc, ce qui permet aussi à ceux qui vont regarder cette gravure d'en connaître le sens. C'est-à-dire que, voilà, ce sont des sauvages parce qu'ils ont les attributs que nous, on connaît sur ce que représente la sauvagerie. Une histoire des représentations, le poil est essentiel. Hein. Ce poil qui est collé à la peau du sauvage, 16e siècle, 17e siècle, au 18e siècle, on sent quand même qu'il y a des changements. Parce que à force qu'il y ait des voyages où on nous dit, bah, non, ou même certains qui arrivent, ils ne sont pas poilus, ça change un peu, mais ça reste ancré dans les esprits. Hein. Ah oui, tout à fait, ça ne disparaît pas réellement. En réalité, quand on voit la naissance des freak shows, donc la monstration des sauvages qui naît aux États-Unis, mais qu'on retrouve également en Europe, on montre la femme à barbe, l'homme poilu, l'homme qui a censément une queue, qui est censé rappeler le singe. Donc il y a toujours cette fascination pour le corps nu et le corps qui est différent ou qu'on construit, comme on vient de le dire, comme différent. À savoir qu'on va mettre en exergue des particularités physiques qui sont monstrueuses, ce qui fascine à la fois et répulse en même temps, comme je disais tout à l'heure, ce jeu toujours hein, qui permet de montrer ses corps et aussi de les dominer. Et on a par exemple dans ces monstrations de freak show, donc des monstres, des gens qui sont censés rappeler le chaînon manquant, et ça je pense que c'est très intéressant, entre le singe et l'homme. Et ça, c'est toute une économie de la monstration de l'image, de la construction. Parce que je pense qu'il faut rappeler que c'est une construction. C'est pas le corps nu pris tel quel. On l'a vu. Parfois, on peut montrer plus particulièrement des particularités physiques, des difformités physiques liées à la naissance, mais aussi des parures, des tatouages spécifiques qui sont censés incarner la sauvagerie. Et là-dessus, on a tout un discours, non seulement imagé, mais aussi discursif et écrit concernant ces personnes. On étudie leur corps, on étudie leur angle facial, on étudie le poids de leur cerveau, et cela permet justement d'asseoir la domination de ces Européens. Donc c'est pas seulement la monstration des marges, c'est que les Européens se considèrent comme étant au centre, et là aussi c'est une construction, je pense que c'est important de le rappeler. Et puis dans cette construction, il y a une interrogation. Qui sont ces gens que l'on découvre? Qui sont-ils? Leur corps n'est pas exactement comme le nôtre? Si, oui, non, peut-être. D'ailleurs, sont-ils vraiment des hommes? Gaston! Trois mandarins! Tiens, pour Bourcassa, ça bombe? Bon, si on peut appeler ça boumé, hein? Hein? Faut dire que Bourcassa, c'est loin d'être une métropole comme ici. Hein? C'est grand comment? Bah, à l'entrée, il y a un écriteau avec 1275 achats. Achats? Oui, ça veut dire 1275 âmes. Et les âmes en question, il y a autant de gens qui vont avec. Hein? Bah oui, forcément. Eh ben, tes 1275, c'est en comptant les nègres. Et les nègres, ils n'ont pas d'âme. Là, je dis pas que vous avez tort, mais je dis pas non plus que vous avez raison. Qu'est-ce qui vous fait dire que les nègres, ils n'ont pas d'âme? Eh ben, dis-lui. Éclaircis donc sa lanterne. Ben voilà, ils n'ont pas d'âme parce que c'est pas des... C'est pas vraiment des gens. Bah, si c'est pas des gens, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est des nègres. Rien que des nègres. La preuve, c'est quand on parle d'eux, on dit pas des gens, on dit des nègres. Un extrait du film Coup de torchon de Bertrand Tavernier en 1981 avec Philippe Noiret et Guy Marchand. Ici, on a une réflexion. Le film, ça se passe dans les années 1930, mais une réflexion qui est beaucoup plus longue. Jérôme Thomas, ce corps nu... Ah, et celui de l'animal peut-être, ou du pré-homme. Mais la réflexion est là tout de suite. La nudité entraîne un changement de statut. Alors, changement de statut, c'est de savoir, oui, si ce sont des hommes ou non. Et ce débat va apparaître dès les premières années, dès les premières réflexions de Colomb et des autres chroniqueurs, et la royauté... L'Espagne va s'interroger très rapidement, ainsi que bien sûr l'Église, pour savoir si ces personnes sont des hommes ou pas. Alors, avec de la réponse dépend un peu la survie de ces populations. Si la couronne et l'Église considèrent que ce sont des sauvages, que ce ne sont pas des hommes, qui n'ont pas d'âme, ça justifie leur destruction, leur anéantissement total, je veux dire, comme des animaux. Par contre, si on considère que ce sont des hommes, qu'ils ont une âme et que l'on peut les convertir, ils rentrent sous la protection de la couronne et de l'Église, là, donc, qui pourra les convertir. Et donc ce débat va apparaître très tôt, va être très très très très dur hein, entre les tenants de l'animalité et de l'humanité. Et il faudra attendre. C'est quand même assez rapide, 1537. Hein, donc avec une décision du pape Paul III qui va affirmer dans une bulle que les Indiens sont veri homines. Hein, mon latin n'est pas extraordinaire. Donc ce sont des vrais hommes. Et donc à ce titre, ils peuvent être convertis et donc protégés par l'Église et par la couronne. Et bien sûr avec le débat, la controverse de Valladolid, etc. Donc, finalement, à l'échelle du temps, c'est très rapide le fait de considérer que ce sont des hommes, et ce débat va traverser tout le 16e et même au-delà. Bah oui, tous les animaux sont nus, hein, par définition, ils ne s'habillent pas. Donc, si on veut faire la différence entre l'homme et l'animal, eh bien c'est ça, c'est le vêtement. Sandrine Lemaire, ici, nous avons une vraie réflexion, alors liée à l'évangélisation, c'est-à-dire que plus le sauvage est vêtu, plus il est évangélisé. Alors, en fait, c'est le fruit d'un double pouvoir, le pouvoir civil et le pouvoir religieux. Dans la colonisation, on s'aperçoit, et aussi dans la pratique politique, qu'ils sont souvent liés. En France, il a fallu attendre 1905 pour que le pouvoir civil et le pouvoir religieux soient dissociés. Et c'est intéressant de voir que pour le politique, si vous voulez, il faut légitimer la colonisation au XIXe siècle, et notamment la colonisation républicaine. Et donc la mission civilisatrice repose sur l'idée d'apporter les valeurs de la Révolution française, le progrès également. Alors que pour l'Église, l'idée de s'échapper de la sauvagerie, c'est d'être non plus un païen, mais un chrétien. Et donc on s'aperçoit que civilisés et chrétiens fonctionnent ensemble dans le système colonial. Et c'est ce double rapport fait que la nudité pour le chrétien, c'est quelqu'un qui est un païen, un sauvage, quelqu'un qui ne croit pas, qui est animiste, etc. Et donc, entre guillemets, un monstre. Et c'est aussi comme ça qu'on le découvre hein, dans les écrits religieux. Et de la même façon pour le pouvoir civil, le nu est celui qui est un sauvage anthropophage qu'il faut civiliser et amener donc vers les valeurs de la République française, les valeurs universelles. Et je parle de la République française, mais c'est valable aussi pour les Espagnols, les Portugais, les Italiens, les Hollandais, les Anglais, etc., etc., chacun avec des spécificités religieuses. Donc c'est assez intéressant. Et puis cela se calque, et on l'a peut-être pas rappelé, on l'a pas dit encore, sur un code couleur. C'est-à-dire que la couleur dans le corps nu joue également énormément. Plus on est sombre, donc plus on est noir, et là la noirceur c'est également lié à la religion, c'est le blanc de la pureté contre la noirceur de l'enfer, eh bien on a la même chose dans l'imagerie coloniale qui est de dire avant c'était les ténèbres et maintenant c'est la lumière. Et donc plus le corps est noir et plus il est sauvage, plus il est anthropophage. C'est ce qui, entre guillemets et sans mauvais jeu de mots, colle à la peau du personnage noir. Et le plus souvent dans les représentations, on le voit comme presque tout noir, on peut à peine distinguer les traits, et au fur et à mesure, on essaye de l'habiller, parce qu'il faut bien essayer de montrer que la mission civilisatrice fonctionne. Mais c'est très long, et toujours, on a ce rappel, cette espèce de piqûre de rappel à l'anthropophagie. Le noir, c'est celui qui mange les autres, c'est un danger dont il faut se méfier, se prémunir, et donc on a raison, effectivement, de coloniser. Et je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier dans la construction de ces images. L'homme ou la femme nue est au plus proche de la nature, de la sauvagerie et très éloigné de la religion. Jérôme Thomas, dans cette histoire-là, mais c'est une évidence, mais il faut le rappeler quand même, ces Européens qui arrivent en Amérique ne sont pas capables de lire les codes sociaux de ces populations où la nudité est complètement différente. Vous nous disiez bien que un collier, n'importe quoi, peut casser la nudité. Bah oui, mais les Européens, ça, ne peuvent pas le comprendre. Eux préfèrent garder leurs vêtements qui ne correspondent pas d'ailleurs au climat. C'est juste une horreur. Oui, c'est juste une horreur. Et d'ailleurs, je pense que les populations locales, en voyant ces étrangers bardés de fer, avec des vêtements sous des latitudes aussi, sous des climats aussi chauds, devaient se demander mais qu'est-ce que c'est cette histoire là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire. Et d'ailleurs, pour certains Espagnols, enfin Européens, très rapidement, ils vont les abandonner, sachant que comme d'ailleurs les populations locales, en étant habillés, ça induit au final des maladies de peau, les poux, le fait que les vêtements soient pas adaptés au climat, et les Espagnols aussi vont s'en rendre compte très rapidement, même dans les habitudes. Juste un exemple, dans les Andes ou au Mexique, ils avaient en horreur quand ils ont découvert que ces populations allaient au bain très très régulièrement, des bains de vapeur pour beaucoup d'entre elles, qui étaient accolées, enfin des saunas qu'ils utilisaient au quotidien, en disant cette promiscuité, c'est nudité. Mais ils se sont vite rendus compte que sous des climats pareils, c'était peut-être bien aussi pour eux de pratiquer ces bains pour se rafraîchir et aussi pour dans un but prophylactique. Et puis dans cette histoire, nous l'entendons bien, cette histoire de répulsion, fascination, il y a un moment particulier, c'est la découverte de la Polynésie aussi. Nous sommes au XVIIIe siècle, de nouveaux corps nus. Alors c'est sûr qu'au moment de découvrir la Polynésie, ce n'était pas en avion. Le nouvel aérodrome de Tahiti a déclenché une ruée vers le bonheur. La légende, les prospectus de tourisme y promettent le retour à l'Éden. Ils promettent des filles fleurs sans soucis et pas de femmes qui pensent. Le devoir remplacé par le plaisir. Des fleurs et des fruits toute l'année. La vie facile pour les Robinson Crusoe, avec le pain qui pousse dans les arbres et la noix de coco qui tombe toute seule. La mer tiède et les poissons multicolores dans l'eau calme du lagon. Pas d'amour passion ni de tragédie. Un peuple souriant qui a organisé l'insouciance. Ces petites maisons tahitiennes, les farées, sont aussi aguichantes que les vahinées. Pas de vitres, pas de porte, on entre, on sort, le bon vent passe au travers. Une chaumière avec juste dedans la place pour un cœur. Les maisons aussi accueillantes que les Vahinéens. Nous étions en 1961 dans l'émission Visite à nos cousins dans les mers du Sud. Nous étions à Tahiti. Sandrine Lemaire, ça fait froid dans le dos toujours quand on entend ça. Mais ce qui est fascinant, c'est que dans cette vision de Tahiti, de ses habitants, de ses habitantes, c'est un peu l'héritage de Bougainville au XVIIIe siècle qui découvre la Polynésie. Tout à fait, je pense qu'il faut comprendre que toutes ces images, on est tous le fruit d'une construction culturelle finalement, et ce qu'on cherche nous, historiens de l'image, à montrer, c'est que on peut en être imprégné sans réellement s'en rendre compte. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ces corps nus, et pas seulement d'ailleurs, mais les corps colonisés ont était beaucoup montré sur tous les supports. Vous les trouviez à l'école, dans les manuels scolaires, les bons points, mais vous les trouviez aussi à la maison sur des sachets de thé ou sur des boîtes de chocolat, dans vos vignettes, etc., etc. Des livres, des journaux, la presse, puis le cinéma, puis les émissions radio. Et donc, ça crée tout un écosystème qui fabrique du stéréotype, finalement. Et quand on écoute cet extrait, on est vraiment dans la reproduction de stéréotypes, les Français et les Européens et ceux qui ont colonisé, hein, et même pas seulement d'ailleurs, parce que les Suisses ont véhiculent les mêmes stéréotypes, reproduisent à l'envi ces stéréotypes. Et donc, cela part, comme vous le disiez, de Bougainvilliers et donc de tous ces découvreurs, mais aussi pseudo-scientifiques, la science ethnologique et anthropologique de la fin du 19e, qui cherche à démontrer l'infériorité et qui établit d'ailleurs un code couleur des races, entre guillemets, humaines, qu'il crée réellement. Donc, plus on est noir, je l'ai dit tout à l'heure, plus on est proche de l'animal, du singe, de la bestialité, et plus on est blanc, plus on est proche de la beauté grecque, de la civilisation. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, le Vahiné, pour revenir à la Polynésie, occupe une place à part, puisque on est dans un métissage, une forme de métissage qui à la fois crée de la hantise aux colonies. On avait cette peur du métissage qu'on cherchait absolument à éviter, et donc il y avait des tas de règlements pour essayer d'empêcher ce métissage ou ces couples mixtes, mais en même temps cette fascination pour des corps qui semblent plus proche de du civilisé, mais en même temps qui garde cette part de nature, de beauté, de d'exotisme, de finalement quelque chose d'étrange, de mystérieux, je dirais. C'est ça qui passionne les Européens, ces représentations de corps nus, parce que c'est aussi l'occasion de montrer des corps nus, ce qui n'est pas facile dans une société où tout le monde est habillé. Donc il y avait la religion qui a fourni beaucoup de sujets de corps nus. Et puis maintenant, ben, il y a ces mondes lointains, Jérôme Thomas. Oui, effectivement, oui, concernant la Polynésie, ça réactive et, bon, et ça met en place... l'idée du bon sauvage, là. Donc les écrits se trouvent confirmés, on peut dire de manière tout à fait concrète et réelle avec cette arrivée des Européens en Polynésie. Concernant les couleurs, les Polynésiens apparaissent plutôt blancs aux Européens. Il n'y a pas d'anthropophagie. Enfin, en tout cas, dans les premiers contacts. Et donc, ça donne un aspect positif. Les femmes se donnent facilement. Hein, ça, c'est une constante que l'on retrouve, bien sûr, qui est expliquée de manière purement sexuelle, hein, la lascivité, la lubricité de ces... Oui, parce que le corps nu, c'est ça, c'est la lubricité. De ces populations, sans savoir que derrière tout ça, il y a probablement une idée liée à la religion, à la mana, la force puissante et surnaturelle que l'on peut acquérir en ayant des rapports sexuels avec des personnes peut-être considérées comme des représentants des dieux. Mais bon, ce que voient les Européens, c'est surtout cette idée de sexualité. Et la couleur, et plus ils vont se déplacer vers l'Australie, vers l'Ouest, plus les populations deviennent sombres. Les Kanaks, les Aborigènes, les Papous, ils sont anthropophages. Et donc là, on passe d'un Éden sur Terre, d'un paradis à... la sauvagerie la plus abominable. Et donc, ces populations-là, par contre, elles vont être chassées, exterminées, hein, au nom de tous ces principes contre l'anthropophagie et le fait qu'on les décrit, qui ressemblent effectivement à la sauvagerie la plus abominable. Oui, parce que c'est ça, hein, qui est incroyable dans cette histoire, c'est comment se côtoient plusieurs regards, celui de la fascination, ah, le Polynésien exceptionnel, et puis celui de l'horreur, le Kanak qui fait peur. Et dans cette histoire, il y a souvent de la nudité associée à l'anthropophagie, même en musique. La reine de ce pays sauvage se promenait sur le rivage, vêtue d'un simple parasol. Seule femme irait docile à sol. Elle lui dit, petit blanc, approche, je vais te manger à la broche, avec de l'ail et du persil, si la seule femme irait d'aussi. Ah, de la belle chanson coloniale. Lucienne Vernet dans Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares et Louise André, avec aujourd'hui à la technique Marie-Claire Oumabadi. Sandrine Lemaire, dans cette chanson, bon ben voilà, encore une fois, il y a tout, il y a la nudité et l'anthropophagie. Malgré tout, cette reine du Congo est vêtue d'un parasol. Et vous nous avez bien dit que cette représentation du corps nu du colonisé, n'importe où dans le monde, que l'on croise sur la moindre tablette de chocolat, partout dans les publicités, malgré tout, ce corps nu n'est pas totalement nu, parce qu'on ne demande pas le sexe. Et dans le regard européen, il y a de ça aussi. On adapte le corps nu aux contraintes de la société. Oui, alors ça dépend, hein, ne pas montrer le sexe. Ce qu'on montre dans le livre « Sexe, race et colonie », c'est qu'il y a aussi de nombreux supports où on montre le sexe néanmoins. Voilà, nombreux supports. Là, je parlais des tablettes de chocolat et des publicités dans la rue. Ce qu'on montre, encore une fois, hein, dans l'ouvrage « Colonisation et propagande », c'est le multitude de supports. Et je suis ravie d'entendre cette chanson, parce que j'avais oublié la chanson tout à l'heure. C'est un médium extraordinaire pour la période. Hein. On chante plus que l'on ne regarde à la télévision, j'entends, par rapport à aujourd'hui. Et donc, on a effectivement des représentations de l'anthropophage où on cache, vous avez entièrement raison, le sexe. C'est-à-dire qu'on a des corps presque semi-dénudés. Et c'est ce que l'on retrouve également dans les expositions universelles, les expositions coloniales, les fameux villages nègres. Et ces petites tablettes de chocolat, elles sont récurrentes sur l'anthropophagie. Et je me souviens encore quand j'étais au tout début de ma jeune carrière d'enseignante, avoir vu une marque de produits pour l'école où il y avait cette anthropophagie qui était rappelée. Et où on voit, alors l'idée de l'anthropophage, c'est toujours associé au noir, avec l'os dans les cheveux ou dans le nez, des boucles d'oreilles, tout dedans dehors. Et ça, c'est une multitude de supports, surtout destinés aux enfants, la BD, etc., mais pas seulement, qui rappellent sans arrêt cette idée d'anthropophagie. Et comme le disait monsieur Thomas précédemment, elle est plus associée, par exemple, aux Kanaks, supposément, hein, parce que de l'anthropophagie, personne n'en a jamais vu. Je pense que c'est important de le souligner quand même. Et donc, supposément, au Kanak, et d'ailleurs en 1931, c'est ce qu'on cherche à faire jouer au Kanak qu'on fait venir en marge de l'exposition coloniale de Paris à Vincennes, et notamment où on avait le grand-père de Christian Carambeu. Qui était là dans ces eaux humains, l'exposition coloniale de 1931, bien pour illustrer vos propos, témoignages. En 1931, Yvonne et Zanaé Palen de l'île de Marais figuraient à l'exposition coloniale. Zanaé est mort en 1968, mais il a raconté à son fils, Paul. Quand ils étaient partis d'ici, ils étaient tout contents, comme je dis bien, comme tout le monde. Quand on se rend pour la première fois en métropole, ils étaient tout contents. Mais lorsqu'ils sont arrivés sur le lieu et qu'ils se trouvent exposés, rassemblés dans un lieu, parqués comme des animaux, et puis on les a rendus un peu à l'état sauvage, ça les a beaucoup marqués. Hein. J'ai dit bien pour mon père, parce que quand il était venu, il m'a dit, tu sais que se mettre presque à poil ici dans le pays, c'est pas évident en France. Hein. En France, on nous oblige, on nous demande. Ils insistent à ce qu'on se mette presque... il faut se dénuder, quoi, se le dire en quelque sorte. Dans Kaléidoscope sur RFO Radio France Outre-mer, il était question de ces Kanaks à l'exposition coloniale de 1931. Sandrine Lemaire, nous l'entendons bien, il y a ici un rôle qui est imposé. Alors, je mets de côté le fait que l'on soit en France, c'est Vincennes pour l'expo de 1931 et qu'il peut faire froid à Vincennes. Donc demander à des gens d'être nus, déjà, il y a quelque chose d'un tantinet pervers. Mais surtout, cela ne correspond pas à la réalité du vécu. Ici, c'est pour la Nouvelle-Calédonie. Non, alors c'est assez récurrent hein, de les exposer justement dans leur semi-nudité depuis les expositions du milieu du 19e jusqu'aux années 1940. Après, on voit plus ce type d'exposition ou très rarement. Évidemment, ça ne correspond pas au climat et donc beaucoup sont morts de froid, mais on ne cherchait pas à les faire mourir parce que c'était, entre guillemets, des gens qui étaient des acteurs et donc qui rapportaient de l'argent. Ce qu'il faut savoir pour ces Kanaks de 1931, c'est qu'ils n'ont pas été exhibés ou seulement de manière très très ponctuelle dans l'enceinte de l'exposition coloniale. L'idée, c'était de montrer la marche vers la civilisation et pour le coup, on avait très peu de nudité du coup à l'intérieur de l'enceinte. Ils sont venus pour quelques spectacles, mais c'était un spectacle privé et ils ont été exhibés au Bois de Boulogne, comme justement dans un zoo humain, comme on le rappelait tout à l'heure, hein, donc au jardin d'acclimatation ou proche du jardin d'acclimatation. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que finalement on met en scène encore cette nudité, cette anthropophagie pour insister sur le bienfait colonial au moment où dans les années 30 on a ces empires qui commencent à connaître des failles, à connaître des révolutions, des petites manifestations, etc., etc., à construire des partis nationalistes aussi. Et pour le coup, je pense que le discours colonial cherche à appuyer toujours sur les mêmes éléments, tout en cherchant à démontrer, et c'est la Deuxième Guerre mondiale qui fait franchir un cap, hein, puisqu'on peut plus avoir le discours racial, aussi racial qu'on l'avait auparavant, étant donné que il y a la barbarie nazie qui a été dévoilée. Et du coup, ça disparaît peu à peu après la Deuxième Guerre mondiale. Et dans cette histoire, Jérôme Thomas, il y a une constante, c'est la sexualité. Le corps nu est associé à la lubricité, à la sexualité. Ça, c'est quelque chose de récurrent, de continuel, on le comprend bien. Mais en réponse à cela, les populations concernées vont adopter le regard qu'on leur impose. C'est-à-dire que pour s'échapper à certaines formes de domination ou à la menace sexuelle, elles vont s'habiller. Peu à peu, la nudité disparaît, ne serait-ce que à cause du regard qui est porté sur elle. Oui, la nudité va disparaître progressivement. Bon, ça dépend quelle population on fait référence. Bon, on va vouloir les habiller, on va dire, de force. Si on prend un exemple dans les Andes au XVIe siècle, on va regrouper les populations, une grande partie des populations dans ce qu'on appelle des réductions. Hein. Donc des villages entièrement sous contrôle des religieux, en particulier des jésuites. Hein. Bon, les réductions les plus célèbres sont celles du Paraguay au 18e, hein, donc qui vont se développer pour des centaines de milliers de personnes. Et là, entre autres, hein, on leur inculque bien sûr des notions donc chrétiennes, mais on les habille, hein, on les fait travailler, on leur donne un travail régulier, enfin, pour éviter l'oisiveté et donc les vices. Et donc, on les habille. Ça, c'est vraiment le leitmotiv, un peu le fil conducteur. À partir du moment où les populations commencent à se vêtir, c'est vraiment un pas important dans leur, on va dire, civilisation, même si le terme n'existe pas à l'époque. Et donc, le fait visible qu'elles sortent de leur état de barbarie. Alors, il y a aussi des descriptions où certains religieux lèvent les yeux au ciel en disant « Oui, ils s'habillent, mais ils portent juste une chemise qui va jusqu'à mi-corps et toute leur partie génitale. » Oui, ils les montrent, mais bon, ils font des efforts. Mais ça prend énormément de temps. Jérôme Thomas, vous êtes anthropologue à l'Université Paul Valéry Montpellier. Mœurs et coutumes des Indiens du Brésil, que vous publiez, enfin la traduction et les commentaires de cet ouvrage de Fernão Cardim. Et toute cette réflexion sur l'embellissement des corps. Donc là, nous avons le corps qui est habillé, très bien. Mais l'on peut dire aussi que le corps nu peut être complètement déprécié. C'est ce que l'on peut voir avec tous ces Amérindiens. C'est-à-dire que les féminiser, il va y avoir tout un discours qui se construit autour de ce corps trop faible. Oui, il y a l'idée, alors il va y avoir une dévalorisation aussi de ces personnes à travers des descriptions corporelles, dans la mesure où l'idée, c'est d'abord de montrer leur paganisme, leur état de sauvagerie, hein, cette idée qui sera répétée, qu'ils sont sans foi, ni loi, ni roi, donc aucune société organisée, hein, donc dont l'un des symboles donc est cette nudité. Et donc, il va y avoir d'un côté l'idée de lubricité, d'hypersexualisation des femmes, et de l'autre, la dévirilisation des hommes. Hein, qui... Sans poils, donc imberbe, donc dès lors moins viril. Oui, donc il y a une espèce de féminisation, de faiblesse dans leur constitution, et puis le fait pour les Européens, en tout cas dans les premières décennies, où il n'y a quasiment que des hommes. Donc l'appropriation des femmes, la domination sur les femmes, montre également cette dévirilisation, le fait qu'ils ne sont pas capables de protéger leurs épouses, leurs mères, leurs filles. Ce sont des butins. Et donc, c'est l'idée que ces hommes le sont à peine. Et puis, on va avoir d'autres réflexions sur d'autres corps, d'autres peuples. Sandrine Le Maire, vous êtes historienne, vous enseignez en classe préparatoire aux grandes écoles à Reims, au lycée Jean Jaurès. Et vous l'avez dit, hein, vous avez participé à cet ouvrage, mais vous aussi, Jérôme Thomas, « Sexe, race et colonie, encore sexualité, identité et corps colonisé ».« Sexe, race et colonie », c'est la découverte. Et « Sexualité, identité et colonisé », c'est CRS édition. Et dans cette réflexion, il y a comme une dévirilisation des Amérindiens. De l'autre côté, en Afrique, une survirilisation du corps noir qui pousse cet homme musclé, peut-être trop musclé, vers une sexualité débridée. Oui, alors c'est assez intéressant parce que c'est aussi, à la fois c'est moqué et à la fois on en a peur. C'est moqué parce qu'on retrouve énormément de cartes postales, par exemple, censées être humoristiques, qui montrent cette sexualité débridée, entre guillemets, hein, ou qui l'évoquent, accompagnées de documents écrits, bien évidemment. Hein, tout ne repose pas sur l'image, mais une grande partie néanmoins. Et ce qu'il est intéressant de noter, c'est qu'on peut finalement voir une espèce de genre dans ces images, c'est-à-dire que les femmes, et comme on l'a rappelé tout à l'heure, les femmes polynésiennes peuvent être fascinantes, attirées, mais aussi les femmes africaines, par exemple, on retrouve dans de nombreux supports d'affiches destinées à envoyer ou à, en tout cas à inciter les jeunes à aller outre-mer, à servir outre-mer, donc à entrer dans l'armée, où on trouve des corps dénudés ou semi-dénudés pour les attirer, ça accompagne hein, l'exotisme, et d'un autre côté, le corps noir, soit il est anthropophage, comme on le voit pour essentiellement les Kanaks, mais aussi l'Afrique, soit il est effectivement survirilisé. On le retrouve également dans les combats, et là il y a un véritable changement au moment de la Première Guerre mondiale, où ce corps noir a permis de contribuer à la victoire grâce à sa force, mais il reste un sauvage parce qu'il avait le coupe-coupe, qui était une dotation dans son armement. Donc on a une mixité, si vous voulez, de regards. On peut pas, et comme forcément en histoire c'est toujours le cas, hein. C'est pas univoque ni uniforme, on a une multiplicité de regards, et c'est intéressant de voir que néanmoins dans tous ces regards croisés, il y a un phénomène de domination, c'est-à-dire que celui, c'est pas un scoop ce que je dis, on le voit bien encore aujourd'hui dans les actualités, hein. Celui qui domine l'information, celui qui domine le rapport à l'image, celui qui produit ces images, arrive à produire de la domination sur l'autre. Et ça c'est vraiment extraordinaire dans la fabrication des images coloniales, et ce qu'on cherche à montrer dans l'ouvrage sur le pouvoir de l'image, là précisément au Cherche Midi, qui est paru cette année, hein, donc je vous invite à aller le voir parce que c'est 320 oui. images hein, justement du regard sur une multiplicité de supports. C'est que à la fois l'État a construit une agence pour produire, construire, diffuser ces images, mais c'est associé également tout à un tas d'associations privées, d'organismes privés, donc type entreprise, qui véhiculaient également ces images. Et donc on arrive à un véritable bain colonial dans lequel les gens sont enfermés et qui produisent du stéréotype et également du racialisme, et ce qui fait nos esprits d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore décolonisé les esprits. Ça, c'est très important. Et merci pour cette conclusion, Sandrine Lemaire, parce que c'est ça qui nous intéresse. Si on fait de l'histoire, c'est pour comprendre notre présent et de se rendre compte que tous ces combats sont encore utiles, parce que ces représentations du tahitien sublime ou du noir sauvage, ce sont encore des représentations qui existent, d'où l'importance des historiens, des historiennes, des anthropologues. Merci vivement à tous les deux, Jérôme Thomas, Sandrine Lemaire. Et nous retrouvons tout de suite, pour continuer à nous éclairer, Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Pourquoi les caquins furent-ils victimes du racisme? Le mot caquin vient du breton cacouze. C'était une insulte répandue sous l'Ancien Régime à l'égard d'une catégorie d'habitants qui exerçaient fréquemment le métier de cordier. On les présentait comme les descendants des lépreux, et c'est à ce titre qu'ils étaient exclus de la communauté. La marginalisation des caquins était même inscrite dans le droit, puisqu'en 1425, le duc Jean V de Bretagne avait adopté une mesure leur interdisant de faire du commerce et les obligeant à vivre dans des lieux séparés. De génération en génération, ils étaient parqués dans des quartiers spéciaux, souvent d'anciennes léproseries, parfois appelées caquineries, ou dans des hameaux isolés. Cette ségrégation était tellement ancrée dans la conscience collective qu'en 1647, à Saint-Brieuc, un défunt enterré au cimetière paroissial fut déterré par la populace, car il était de la race des caquins, comme on disait à l'époque. Ce racisme populaire à l'égard des caquins provoqua parfois de véritables émeutes. La plus connue est celle qui se produisit à Pluvigné, une commune du Morbihan, en 1687-88. C'est l'époque où les caquins commencèrent à contester le sort qui leur était fait en implorant les autorités ecclésiastiques pour qu'on les traite comme les autres paroissiens. La famille d'un défunt ayant demandé au curé de lui accorder une sépulture dans le cimetière de la commune, les protestations se multiplièrent. La grand-messe fut interrompue par un menuisier qui réclamait l'installation d'une clôture au bas de l'église afin de séparer les caquins des autres paroissiens. Puis, le convoi funèbre fut attaqué. Les porteurs du corps et de la croix furent blessés. Des femmes du bourg déplacèrent le cadavre sur un chemin en dehors du village où il resta 3 jours, à demi dévoré par les chiens. En janvier 1688, des femmes prirent à nouveau la tête d'une petite bande qui s'empara par la force d'un autre cadavre de caquin et l'abandonna dans un chemin. Le sénéchal d'Auray se déplaça en personne avec le substitut du procureur du roi pour tenter de calmer les esprits. Mais ils furent pris sous une grêle de pierres et un flot d'injures. Les archives du procès qui sanctionna cette émeute indiquent que le pouvoir royal lui-même fut alors défié par un villageois qui affirma « Quand le roi y se roi, on empêcheroi bien qu'on enterrasse les cordiers dans l'église ». L'historien Alain Croix, qui s'est penché sur l'histoire des caquins de Bretagne, a avancé l'hypothèse du bouc émissaire pour tenter d'expliquer la haine que leur vouait le peuple breton. Un texte de l'époque, intitulé « La destruction de Jérusalem », raconte que 3 groupes de juifs s'étaient échappés de la ville sainte pour donner naissance aux 3 plaies de Bretagne, les Normands, les Anglais et les Cacous. L'origine juive des caquins fut reprise dans plusieurs ouvrages de la fin du XIXe siècle, mais d'autres auteurs les rattachèrent aux bohémiens, aux captifs des croisés et même aux sarrasins de 732. Mais, comme je l'ai déjà dit dans ces chroniques, le peuple n'a pas toujours raison de se révolter. C'est grâce à l'action énergique des pouvoirs publics pour réprimer ces flots de haine que la discrimination à l'égard des caquins a fini par disparaître. Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Marion Dupont, Toscane Viudèche, Shirley Adélaïde, Margot Vielle et Maïwenn Guizhou. Émission à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. 6 août 1945, Hiroshima, l'apocalypse nucléaire. Revivez cette journée par le témoignage de celles et ceux qui l'ont vécu. Ce jour-là, les cigales chantaient. Le ciel était clair et limpide. Il était à peu près 8 heures. J'ai entendu, venant du nord, le bruit des avions. Et dans la rue, devant chez moi, des enfants ont commencé à crier « Voilà des avions, voilà des avions !» J'étais à la gare d'Hiroshima, sur le quai numéro 8. Nous étions 3, assis l'un à côté de l'autre. C'est là que nous avons entendu les avions. Et alors que nous nous disions « Oh, c'est encore un raid !» les P-29 sont arrivés. On approche de la zone de largage, vérification de la bombe. À 9h11, à 31 000 pieds au-dessus d'Hiroshima, Enola Gay s'apprête à larguer la bombe. À 9h15, la bombe est larguée. Un podcast France Culture à écouter sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France.